Onzième soirée. On célébrait une noce, me dit la lune. On chantait, on buvait à la santé des nouveaux mariés. La fête était somptueuse et magnifique. Minuit venait de sonner. Les invités se retirèrent. Les mères de famille embrassèrent les jeunes époux. Moi seule, je les suivis dans la chambre nuptiale. Les rideaux des fenêtres étaient presque entièrement fermés. Une lampe unique éclairait la chambre paisible. « Dieu merci, les voilà partis !» dit le jeune époux en embrassant les mains et les lèvres de sa femme. Elle souriait et pleurait à la fois, et tremblant comme la fleur d'une nénuphar sur des eaux courantes, elle reposait sa tête sur le sein de son époux. C'étaient des paroles pleines d'une douce extase qu'ils échangeaient. « Que ton repos soit doux !» dit le mari, pendant que la jeune femme écartait les rideaux. « Quel magnifique clair de lune !» dit-elle. Combien sa lumière est douce, combien elle est brillante. À ces mots, elle éteignit la lampe. Tout était nuit dans la chambre nuptiale, et cependant ma lumière brillait du même éclat que les yeux de l'époux. Chaste pudeur inspire le poète lorsqu'il chante les mystères de la vie.